Ok, on va commencer, Inch'Allah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa amma ba'd. On commence le cours 5 aujourd'hui dans l'explication du livre de Cheikh Abdussalam ibn Burgess, Al-Amru bi luzumi jama'at al-muslimin wa imamihim, wa tahdhiru min mufaraqatihim. Donc, la traduction que j'ai écrite maintenant pour cette série de cours, j'ai changé le titre de qu'est-ce que j'avais fait la première fois. Donc j'ai écrit l'ordre d'adhérer à la jama'a et l'ordre d'adhérer à la jama'a des musulmans ainsi qu'avec leur imam ou qu'à leur imam et c'est-à-dire leur dirigeant et de mettre en garde contre le fait de se séparer hein, de la jama'a. Et donc on est maintenant rendu dans le dalil al-khamis, c'est-à-dire la cinquième preuve dans les preuves de la sunna au sujet de l'obligation de rester avec la jama'a et d'obéir aux dirigeants. Donc, le cheikh Abdussalam ibn Burgess, il mentionne ici dalil al-khamis, akhraj al-hakim fil mustadrak, hein? Akhraj al-hakim fil mustadrak, wa ibn Jarir fi tafsirihi. والآجر في الشريعة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في خطبته أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il mentionne non seulement des hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم mais il mentionne également comme preuve des paroles des salaf parmi les sahaba et des athar également des narrations des sahaba. Donc ici par exemple il mentionne une narration qui est rapportée par Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak et par Ibn Jarir dans son tafsir et par l'imam Al-Ajurri dans son livre Al-Sharia. C'est rapporté que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit dans sa khutbah, donc il a fait un sermon. Il donnait une khutbah, puis il a dit « Ô vous les hommes, accrochez-vous à l'obéissance et la jama'a. » Et il dit « Parce que c'est le câble d'Allah qu'il a ordonné, hein, auquel il a ordonné de se cramponner. Et ce que vous détestez dans la jama'a est meilleur que ce que vous aimez dans la division. Ce que vous détestez dans la jama'a, c'est-à-dire c'est comme on dit des fois, dans toute chose, il y a des choses qu'on n'aime pas des fois. Hein? Tu vas dire, même par exemple, tu dis, bon, dans telle mosquée, je viens prier et il y a des choses que j'aime pas. Il y a telle personne. C'est une mosquée, les gens ils sont sur la sunna, mais il y a des choses que j'aime pas dans cette mosquée-là. Mais qu'est-ce que tu préfères? D'être dans une mosquée qui est sur la sunna, dans laquelle il y a des problèmes ou il y a certains défauts que tu n'aimes pas, hein? Mais au moins, tu peux établir la jama'a ou bien de ne pas avoir la mosquée du tout et d'être obligé d'aller prier chez les mubtadi'a. Donc ça, c'est un exemple. Donc, quand tu es dans la jama'a, c'est-à-dire tu vas avoir un dirigeant, tu es dans un pays musulman, tu as un dirigeant musulman, ce dirigeant-là, il fait de l'injustice, il fait des péchés. D'accord? Donc ça, tu le détestes. On déteste tous l'injustice. Sauf que c'est mieux ça que d'être dans la division. Parce que lorsqu'il y aura la division, lorsqu'il y aura les révoltes, les coups d'État et les manifestations, hein, eh bien, même s'il y a des choses là-dedans que vous aimez lorsque vous êtes en train de faire ça, sauf que le résultat par la suite, c'est le chaos, le désordre, les problèmes, hein, et la zizanie, et ainsi de suite. Regardez les pays comme la Syrie, l'Irak, la Somalie et la Libye actuellement. Donc, ces gens-là, ils étaient dans... Wa alaykoum salam wa rahmatullah, ils étaient dans la jama'a, ils avaient un dirigeant. Bon, bien entendu, leur dirigeant, certains d'entre eux, ils n'étaient même certains ulama ont dit qu'ils n'étaient même pas musulmans, ces dirigeants-là. Par exemple, Cheikh Ibn Baz et d'autres mashaykhs, ils ont dit, par exemple, que, par exemple, tel dirigeant, il avait, par exemple, il était à la tête d'un parti communiste. Et ils avaient des croyances communistes. Donc, ils ont dit, ça, c'est des croyances de kofr. Donc, ils considéraient par conséquent que ce dirigeant-là n'était pas musulman. Mais malgré ça, le fait d'être dans ce pays-là et d'avoir ce dirigeant-là, même s'il n'était pas correct, hein, ou sur la bonne voie, mais malgré tout, au moins, il y avait une sécurité, il y avait une certaine ordre qui était installé dans la société, et il y avait une certaine justice malgré tout. Hein. Ça, c'est mieux, hein, que d'être dans le chaos total et qu'il n'y ait que de la destruction et que tu craignes pour ta vie, pour ta sécurité, pour ton honneur, parce qu'il n'y a rien pour protéger quoi que ce soit de ça. Donc ça, c'est ce que vous aimez dans la division. Eh bien, Yanni, ce n'est pas mieux que qu'est-ce que vous détestez dans la Jama'a. C'est ça qu'il dit al-Sahabi, radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud. Il dit ensuite, comme Dalil Sadis, « Akhraj al-Lalaka'i fi sunnah an il-Awza'i, rahimahullah, kana yuqalu khamsun kana alayha ashabu Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam, wa tabi'una bi ihsan. Luzumu al-Jama'a, ittiba'u sunnah, وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. Donc ici, le cheikh il mentionne une autre narration, une autre parole d'un des imams parmi les imams des salafs, et c'est l'imam Al-Awza'i, rahimahullah, qui était l'imam de Ahl al-Sham à l'époque de l'imam Malik. Hein? Lui, c'était l'imam de la région de Al-Sham. Hein? Comme c'était, c'est, si on veut, c'était l'équivalent de l'imam Malik pour les gens de Médine. Mais lui, il était à Sham. Et qu'est-ce qu'il a dit cet imam, comme c'est rapporté par l'imam Al-Lalakai dans son livre As-Sunnah? Il dit, avant, on disait, il y a cinq choses sur lesquelles se tenaient les compagnons de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les tabi'oun. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ainsi que ceux qui ont suivi les sahaba de la meilleure façon, les tabi'oun, les élèves des sahaba. Et c'est de rester avec la jama'a, d'adhérer à la jama'a, de suivre la sunna, de fréquenter les mosquées et de peupler les mosquées, de réciter le Coran et de faire le jihad fi sabilillah. Ça, c'est cinq choses que hein, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, respectait et gardait. Al-Dalil al-Sabi', le septième dalil. Le cheikh il dit, Akhraja ibn Abi Hatim an Sa'id ibn Jubayr rahimahullah fi qawlihi ta'ala wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Qal thumma ihtada ou thumma ihtada. ثم اهتدى ثم استقام لفرقة السنة والجماعة. Donc Saïd ibn Jubayr s'est rapporté selon Ibn Abi Hatim qu'il a dit rahimahullah à propos du verset inni wa inni la ghaffar liman tab wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Et certes je suis constamment et je suis le grand pardonneur. Celui qui pardonne constamment, hein, et à chaque fois, celui qui se repent, qui a cru, qui fait les bonnes œuvres, puis ensuite s'est mis sur la droiture et sur la guidance. Et il dit, Saïd ibn Jubayr, il dit, rahimahullah, puis qui s'est mis sur la guidance, ça veut dire qu'il sait, hein, qu'il s'est accroché et qu'il est resté ferme et droit sur le groupe de la sunna et de la jama'a, hein, sur le parti ou sur la secte de la sunna et de la jama'a. Donc ça, c'est rapporté dans Ad-Darr al-Manthur de l'imam al-Suyuti. Il dit, Ad-Dalil al-Thamin, la preuve numéro 8, « Qala Yusayr ibn Amr, radiyallahu anhu, lamma kana fin nasi min al-qatli ma kan, sami'tu bi أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه سار يعني فلحقته بالسيلمين يعني موضع بين الكوفة والقادسية. فإذا هو في بستان قد توضأ فاستقبلته فأجلسته فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه، ثم قلت قد كان لك صاحبان مفزعي إليهما، حذيفة يعني حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. فأما حذيفة فمات، وأما أبو موسى فأتى الشام، وإني حدثت بمسيرك فتبعتك، وإني لمحمود، وإني أنشدك الله عز وجل وأنشدك الإسلام إن كنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذه الفتن إلا حدثتني، وإن كنت لم تسمع إلا جهدت لي رأيك. فقال لي يا يسير إني لك ناصح، إلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. Donc il dit ici que comme huitième dalil, une parole de Yusayr ibn Amr radiyallahu anhu. Il dit: lorsqu'il y a eu des tueries entre les gens, que les gens ils se combattaient, il dit: j'ai entendu à propos d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu. J'ai entendu qu'il était en train de voyager. Il était en voyage, et je l'ai rejoint, je l'ai rattrapé dans son voyage entre deux villes, c'est-à-dire la ville de Koufa et Al-Qadisiyya. Alors je suis parti à sa poursuite et je l'ai rattrapé. Je l'ai trouvé dans un jardin en train de faire le wudu. Alors il dit: je me suis tourné vers lui et je l'ai fait s'asseoir avec moi. Je lui ai demandé de s'asseoir avec moi. Et il dit: j'ai glorifié Allah et j'ai fait ses éloges. J'ai fait les éloges d'Allah. Puis je lui ai dit: tu avais deux compagnons. Donc il dit à Abu Mas'ud, c'est-à-dire Yusayr, il dit à Abu Mas'ud: tu avais deux compagnons. Lorsque j'avais un problème, c'est vers eux que je me tournais pour leur demander la solution ou la réponse. Hudayfa ibn al-Yaman et Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Donc Yusayr, c'est un tabi'i, c'est un élève des sahaba. Donc il dit: tu avais deux compagnons vers qui je me tournais pour avoir des réponses quand il y avait des histoires ou des problèmes de fitan et des tribulations ou des troubles. Alors, donc il dit: en ce qui concerne Hudayfa, il est mort. Il dit: Hudayfa, radiyallahu anhu, il est mort. Tandis que Abu Musa, il est parti à Sham, il est parti en Syrie. Et il dit, et on m'a dit que tu étais en voyage, que tu étais en partie dans telle direction, alors je t'ai suivi et je suis comme si je glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis heureux en fait d'avoir pu te retrouver. Il dit: je te demande par Allah et je te demande par rapport à l'islam que tu as appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu as entendu quoi que ce soit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos des fitan qui se produisent il parle de son époque. À propos des fitanes qu'on voit, il dit: alors mentionne-moi quelque chose à ce sujet-là. Et si tu n'as rien entendu, eh bien, donne-moi au moins ton opinion. Fais un ijtihad et explique-moi qu'est-ce que toi tu penses par rapport à ça. C'est quoi ton point de vue, ton opinion là-dessus? Alors, il lui a répondu, c'est-à-dire Yani Abu Mas'ud al-Ansari, il lui a répondu en disant: Ô Yusayr, je vais être sincère et je vais te donner le bon conseil. Ilzim al-Jama'a, reste avec la Jama'a, c'est-à-dire reste avec le dirigeant et les musulmans qui sont autour de lui. Il dit: parce que par Allah, Allah ne va jamais unir la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'égarement. Jusqu'à, hein, il dit après, hatta yastarihu barrun aw min fajir. Ça, c'est une partie d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yastarihu barrun, jusqu'à ce qu'une personne qui est barre, qui est pieuse, qui est bonne, elle soit en repos, elle soit reposée de la fitna ou du problème ou d'une personne qui est mauvaise, ou yustarahu min fajir, et qu'on trouve le repos, ou bien qu'on trouve le repos d'une personne qui est perverse, ou bien qui fait des péchés. Et il dit que c'est rapporté par Al-Fasawi dans Al-Ma'rifatu wa Tarikh. Il dit: Akhrajahu Al-Fasawi fi Al-Ma'rifati wa Tarikh bi alfazin muta'addida, wa akhrajahu Al-Hakim fi Al-Mustadrak an Abi Sha'tha Salim ibn Aswad qal: خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلنا له اعهد إلينا أو أعهد إلينا فقال عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة وإن دين الله واحد وإياكم والتلون في الدين وإياكم والتلون في دين الله وعليكم بتقوى الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. Donc il dit que c'est rapporté, l'autre narration qu'on a lue, c'était rapporté par Al-Fasawi dans Al-Ma'rifat wa Tarikh avec différentes formulations. Et ensuite, il dit que Al-Hakim, dans Al-Mustadrak, il a rapporté une autre parole de Abu Mas'ud al-Ansari, selon Abu Sha'tha Salim ibn Aswad. Il dit: nous sommes sortis avec Abu Mas'ud al-Ansari, radiallahu anhu, et on lui a dit, i'had ilayna, yani, c'est-à-dire, yani, donne-nous un conseil, commande-nous quelque chose sur quoi on peut s'accrocher. Il leur a dit, yani, je vous enjoins de faire preuve de taqwa envers Allah, c'est-à-dire de vous préserver d'Allah et également de rester et d'adhérer à la jama'a de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas laisser yani, la jama'a de Muhammad s'unir sur l'égarement. Et il a dit: certes, la religion d'Allah est unique. C'est une religion unique. Et prenez garde de ne pas changer de couleur dans la religion d'Allah. Hein? C'est-à-dire, il y en a de changer toujours de couleur, c'est-à-dire de prendre différentes tendances et de suivre différents égarements, hein? De suivre les... Hein? C'est ça, les différentes méthodologies qui contredisent la sunna. At-talawun. C'est-à-dire, quand quelqu'un il fait at-talawun, ça veut dire qu'il devient comme un caméléon. Un caméléon, là, s'il est sur une branche qui est verte, il devient vert. S'il va sur une branche qui est grise, il devient gris. S'il va dans des feuilles qui sont oranges, il devient orange. Hein? Donc, c'est ça, at-talawun. At-talawun, ça veut dire quelqu'un, il ne garde pas une position qui est claire avec tout le monde. Il change de position selon les gens pour satisfaire ou bien pour suivre les passions des gens. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc ici il dit wa iyyakum wa talawun. Hein? Faites attention de ne pas changer de couleur dans votre religion, de rester toujours sincère et droit et véridique. Et il dit et yani alaykum bi taqwallah. Donc c'est-à-dire je vous enjoins de faire preuve de taqwa et de vous préserver d'Allah en faisant ce qu'il ordonne et en vous écartant de ce qu'il interdit. Et soyez endurants jusqu'à ce que un homme pieux soit reposé, hein, ou bien que on soit reposé d'un fajr. C'est-à-dire, un homme pieux soit reposé s'il est bon, inshallah, quand il va entrer au paradis, il va mourir, il va être reposé. Et si c'est un fajr, eh bien, un jour, il va mourir. C'est-à-dire que si tu as un dirigeant qui est injuste ou qui est pervers, hein, sois patient. Soit que toi, tu vas mourir avant lui, ou soit lui, il va mourir avant toi. Donc, sois patient. Hein? Et c'est pas que tu souhaites ça, mais... Hein? Non, c'est ça, c'est pas que tu souhaites ça, mais c'est pour dire que c'est quelque chose qui est inévitable. Hein? Et que yani, peut-être que en attendant et en étant patient, c'est pour ça qu'il dit justement avant, « Wasbiru », hein? « Soyez endurants ». Hatta yastarihu barrun ou yastarahu min fajir. Soyez patient jusqu'à ce que soit toi tu meurs ou bien le pécheur ou le pervers ou l'injuste il meurt. Hein? C'est pas parce qu'on souhaite ça, mais c'est plutôt parce que yani, si t'es pas patient, tu risques de faire des choses qui vont amener plus de mal. Comme ceux par exemple qui veulent faire des manifestations, des révoltes, des révolutions, des coups d'État, des hein, des trucs de ce genre, et puis ils font plus de mal que le bien qu'ils voulaient ramener, et le mal qu'ils voulaient enlever, ils l'ont augmenté au lieu de le diminuer. Donc où est-ce qu'elle est la sagesse là-dedans, hein? Et on sait que dans l'islam, il y a une des règles dans la charia, c'est que si tu veux changer un mal, il faut que ce soit pour un mal, hein? Il faut que ce soit pour un bien. Si tu veux changer un mal, il faut que ce soit pour un bien. Et si tu n'es pas capable de le changer pour un bien, mais que tu es capable de diminuer le mal, alors encore là, oui, c'est correct. Mais si tu penses que tu vas changer le mal et que ça va ramener un mal plus grand, alors là, c'est interdit, dans ce cas-là, de changer le mal. Beaucoup de gens, ils ne connaissent pas ces règles-là. Hein? Beaucoup de gens ne connaissent pas ces règles-là. Alors, ils sont ignorants, alors ils ne disent que des bêtises, malheureusement. Akhrajahu, il dit, akhrajahu, alla la ka'if sunna, wal khatib fil faqih, wal mutafaqih, wal tabaraniyu, kama fi majma' al-zawa'id, wa indahu anna thalika hina qutila Uthman radiyallahu anhu, وكان رواية له أخرى أن ذلك حين قتل علي رضي الله عنه وقال الهيثمي عن الرواية الثانية رجال إسنادها ثقات انتهى كلامه قلت وهو أثر صحيح. Donc l'imam al-Lalakai dans As-Sunna ainsi que al-Khatib al-Baghdadi dans son livre al-Faqih wal-Mutafaqih, il et At-Tabarani aussi, dans son livre Majma' al-Zawa'id, ils ont rapporté que cet événement-là, ou ce conseil de la part de Abu Mas'ud al-Ansari, c'était à quelle occasion? C'était à l'occasion de l'assassinat de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Dans une autre narration, il est mentionné que c'était plutôt au moment de l'assassinat de Ali, radiyallahu anhu. Et Al-Haythami, dans une autre narration, il plutôt par rapport à la deuxième narration, il dit que c'est une chaîne dont les rapporteurs sont thiqat, c'est-à-dire c'est des rapporteurs qui sont fiables. Et le Cheikh Abdussalam, il dit, c'est une narration qui est authentique. C'est une narration qui est authentique. Ad-dalil al-tasi', la neuvième preuve. Akhraj ibn Abi Shayba fi al-Musannaf, wal-Khallal fi al-Sunnah, wal-Ajurriyu fi al-Shari'a, bi-isnadin jayyidin an Suwayd ibn Ghafala. Qala li Umar radiyallahu anhu, ya Aba Umayyah, إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطيع فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطيع وإن ضربك فاصبر وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا يُنْقِصُ دِينَكَ فَقُلْ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ دِينِي دَمِي دُونَ دِينِي لَا وَلَا تُفَارِقْ الْجَمَاعَةَ وَلَا تُفَارِقْ الْجَمَاعَةَ. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Il rapporte selon Ibn Abi Shayba dans son livre Al-Musannaf et également l'imam Al-Khallal dans son livre Al-Sunnah et également l'imam Al-Jurri dans son livre Al-Sharia. Ils ont tous rapporté avec une chaîne de transmission qui est bonne, selon Suwayd ibn Ghafala, une parole que Omar ibn Al-Khattab radiallahu anhu lui a dit. Donc Omar ibn al-Khattab, il a dit un conseil à Suwayd ibn Ghafala. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il l'appelle par sa kunya, Abu Umayya. Il lui dit, Ya Abu Umayya, oh Abu Umayya. Il dit, je ne sais pas si je vais te voir après cette année. Il dit, je ne sais pas si je vais te revoir après cette année. Mais s'il y a quelqu'un qui est placé comme dirigeant au-dessus de toi et que c'est un esclave éthiopien qui a été amputé ou estropié, hein, ou bien on lui a coupé les bras et les jambes, hein, ou bien on lui a coupé les extrémités, le nez, hein, les oreilles et tout. Hein. Malgré ça, écoute-lui, hein, écoute-le et obéis-lui. Mais, et il dit, et s'il te frappe, sois patient. Et s'il te prive de ton bien, sois patient. Et s'il veut quelque chose qui diminue ta religion, alors dis-lui, j'écoute et j'obéis, mais ma religion vaut plus que ma vie. Hein? Ma religion vaut plus que mon sang. C'est ça qu'il dit Omar ibn al-Khattab. Et à la fin, il lui dit, et ne te sépare pas ou ne divise pas la jama'a. Ne divise pas la jama'a. Donc ici, il lui dit, s'il veut te prendre quelque chose de la dunya, hein, il te frappe, patiente. Il t'enlève tes biens ou te prive de ton droit, patiente. Mais par contre, s'il veut t'ordonner un péché ou t'interdire de faire quelque chose de ta religion, il veut te diminuer dans ta religion, alors dans ce cas-là, tu dis « j'écoute et j'obéis », c'est-à-dire de façon générale, « j'écoute et j'obéis dans le bien », mais étant donné que là, si on me demande quelque chose qui touche à ma croyance et à ma religion, alors là, je dis « ma religion vaut plus, hein, que ma vie ».« Ma religion vaut plus que ma vie ». C'est-à-dire, je préfère la mort, hein, je préfère mourir que de perdre ma religion. Et il dit, mais malgré ça, ne sépare pas la jama'a, ne divise pas la jama'a. Donc ça répond aujourd'hui à ceux qui disent, non, mais l'obéissance aux dirigeants, c'est seulement lorsque les dirigeants sont pieux et qu'ils appliquent la charia à 100%. Là, quand ils appliquent la charia à 100%, là, je vais leur obéir. Mais si c'est des dirigeants qui font des péchés, qui font de l'injustice, hein, ou qui ne pratiquent pas la charia à 100%, et quand est-ce que dans l'histoire de l'islam, hein, on a appliqué la charia à 100%? Hein? Billahi alaykoum. Hein? Quand est-ce? Et à partir de combien tu vas dire, ah oh non, j'écoute plus ce dirigeant? Si tu dis, bon, il applique 90% de la charia, tu vas pas l'écouter ni l'obéir, il applique 80%, tu vas pas l'obéir, hein? C'est ridicule. Les dirigeants, déjà à la base, ils doivent appliquer de la charia à ceux qu'ils sont capables d'appliquer. Hein? S'il y a une partie qu'ils sont incapables de l'appliquer pour différentes raisons, yani, alors déjà ils sont excusés de ne pas pouvoir appliquer le reste, hein? Et donc, de les déclarer kafir pour ça, comme certains le font, ou bien de refuser de les écouter, de leur obéir par rapport à ça, déjà ça c'est de l'égarement et de l'ignorance. Hein? Et c'est la voie des gens de l'égarement, comme les Khawarij et ceux qui suivent cette voie-là. Hein? Donc, si tu vois, comme ici, on voit ici, Omar ibn al-Khattab, il a donné ce conseil, hein, à cet homme, Et c'est un conseil que chaque musulman devrait prendre en considération et respecter. Et ce n'est pas une condition que, justement, pour appliquer ces règles-là, que le dirigeant soit parfait ou qu'il applique la charia à 100% comme ils disent. Non. Du moment que c'est un dirigeant et qu'il est musulman et que il a une bay'a et que les musulmans se sont tous mis d'accord pour lui obéir, alors dans ce cas-là, quand je dis qu'ils se sont mis d'accord, c'est-à-dire c'est lui qui a le, je veux dire, c'est lui qui a le pouvoir officiel dans le pays et qui est reconnu comme étant le dirigeant officiel de ce pays-là, alors dans ce cas-là, tu dois l'écouter et lui obéir dans le bien. Mais s'il t'ordonne un péché, alors dans ce cas-là, tu ne l'obéis pas dans le péché, mais dans le reste, tu continues à lui obéir dans qu'est-ce qui est correct. Ad-dalil al-ashir, la preuve numéro 8. Akhraja ibn Asakir fi tarikhihi an Muhammad ibn Abi Qatla. An Muhammad ibn Abi Qatla. أن رجلا كتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم فكتب إليه ابن عمر رضي الله عنه إنك كتبت تسألني عن العلم فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين خفيف الظهر من دمائهم خميص البطن من أموالهم لازما لجماعتهم فافعل. سبحان الله. Quel conseil incroyable que Abdullah ibn Omar lui a donné. Ibn Asakir, il mentionne dans son livre At-Tarikh, selon Muhammad ibn Abi Qatla, qu'un homme a écrit une lettre Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, pour lui poser une question à propos de la science. Donc la science, c'est une question, un sujet qui est vaste. C'est écrit, il écrit à Abdullah ibn Omar, il lui demande, apprends-moi quelque chose à propos de la science, dis-moi quelque chose de la science. Alors Abdullah ibn Omar, il lui a répondu, il lui a dit, tu m'as demandé à propos de la science. Il dit, la science est trop grande pour que je puisse t'écrire quelque chose à ce sujet, parce que c'est tellement vaste. Sauf que, il dit, sauf que, si tu es capable de rencontrer Allah, kaf al-lisan an arad al-muslimin, c'est-à-dire que tu as gardé ta langue de pas attaquer l'honneur des musulmans. Donc, préserver ta langue de l'honneur des musulmans. Deux, khafif al-dahr min dima'ihim. Ton dos, il est léger de leur sang. C'est-à-dire, tu les as pas, tu l'as pas, t'as pas fait couler leur sang. Tu as préservé leur vie. Tu as préservé leur honneur. Tu as préservé leur sang aussi. C'est-à-dire, tu ne vas pas les frapper, ni les tuer, ni rien. Et troisièmement, il dit, Khamis al-batn min amwalihim. C'est-à-dire, ton ventre, il est vide de leurs biens. C'est-à-dire, tu n'as pas consommé injustement le bien des musulmans. Et en dernier, il dit, Laziman li jama'atihim. Et que tu es resté et que tu as adhéré à leur jama'a, c'est-à-dire la jama'a des musulmans, tu es resté avec le dirigeant. Alors, fa'f'al. Il dit, si tu es capable de rencontrer Allah avec ces éléments-là, alors fais-le. C'est ça le conseil qu'il lui a donné par rapport à la science. Et quel conseil incroyable et immense que ce point-là contient. Et ces éléments-là, c'est des éléments. Si quelqu'un est capable de les respecter, il rencontrera Allah, il va être en sécurité, inshallah. Bien entendu, sans compter le tawhid, parce que le tawhid, c'est la base des bases. Mais ça, c'était pas une époque où, disons, les gens avaient des problèmes dans le tawhid à cette époque-là. Donc, il n'a pas mentionné ces éléments de l'aqida, le tawhid et tout. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà établi, c'est déjà clair. Que ça, c'est la base de la base. Et c'est ça qui fait que tout le reste va compter. Al-dalil al-hadi ashar, la preuve numéro 11. أخرج اللالكائي في السنة عن ثابت ابن العجلان أنه قال: أدركت أنس ابن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابتا البناني والبناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر. وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان ابن موسى كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. سبحان الله. Tu vois, tu lis ces noms-là, tu as envie de pleurer, subhanallah. Quelqu'un qui dit ça, il dit, l'imam al-Lalaka'i, il dit dans la sunna, selon Thabit ibn al-Ajlan, il dit, j'ai rencontré Anas ibn Malik. T'imagines, quelqu'un qui dit, moi j'ai rencontré Anas ibn Malik. Déjà, juste, si c'était juste lui, déjà ce serait incroyable. Qu'est-ce qu'on donnerait pas? Peut-être on pouvait avoir juste même donné $1 million ou une tonne en or juste pour rencontrer un d'entre les sahaba du messager d'Allah, juste pour pouvoir s'asseoir avec eux 5 minutes, leur poser des questions, leur dire subhanallah, c'est pas vrai, lui il les a tous rencontrés, subhanallah. Et parmi les grands, les imams des tabi'in, il dit, j'ai rencontré Anas ibn Malik, et j'ai rencontré Ibn al-Musayyib, et j'ai rencontré Al-Hassan al-Basri, et j'ai rencontré Saïd ibn Jubayr, et j'ai rencontré Al-Sha'bi, subhanallah, l'imam Al-Sha'bi, et l'imam Ibrahim al-Nakha'i, et Ata ibn Abi Rabah, et j'ai rencontré Taous, et j'ai rencontré Mujahid, et j'ai rencontré Abdullah ibn Abi Mulaika, et l'imam al-Zuhri, et l'imam Makhoul, et l'imam Al-Qasim, Abba Abdurrahman, et j'ai rencontré l'imam Ata Al-Khurasani, et Thabit Al-Binani, et Al-Hakam ibn Utba, et Ayyub Al-Sakhtiani, subhanallah, Hamad, il a rencontré Hamad, Hamad ibn Salama, et Hamad ibn Zayd, les deux imams, on les appelle Al-Hammadan, c'est les deux imams, parmi les grands imams, je pense qu'ils étaient les deux, les chouyoukhs de l'imam al-Bukhari, c'est des grands imams parmi les salafs, les imams du hadith. Muhammad ibn Sirin, un tabi'i très connu, qui a étudié avec Aïcha, avec plein d'entre les sahaba, c'est un grand tabi'i. Et Al-Hassan al-Basri, la même chose. Et Taous, du Yémen, un grand imam parmi les tabi'in. Mujahid, l'élève d'Abdullah ibn Mas'ud, l'Abdullah ibn Abbas, il est un des imams dans le tafsir. Il y a tous ces gens-là, il dit, je les ai rencontrés. Il n'a pas mentionné Ikrima. Il dit Aba Amir, et il dit, il avait rencontré Abu Bakr al-Siddiq, et Yazid al-Ruqashi, et Sulayman ibn Moussa. Il dit, ils m'ordonnaient tous d'être avec la jama'a, et ils m'ont tous interdit d'être avec les gens de la passion, c'est-à-dire les gens de l'innovation, les gens de bid'a. Et donc, ça c'est le dernier exemple que le cheikh il a cité. Donc, ça veut dire que tous les imams des salafs, ils étaient tous d'accord sur le point qu'il est obligatoire de s'accrocher, de rester et d'adhérer à la jama'a, de rester avec le dirigeant et les musulmans qui sont autour de lui, et de ne pas diviser la jama'a en essayant de prendre le pouvoir ou d'enlever le pouvoir à celui qui le détient ou de lui disputer son autorité ou ainsi de suite. Il dit « Wa bihadhihi al-adilla al-sabiqa min al-kitab wa-sunnati wa-al-athar yu'lamu qat'an wujub al-uzum jama'at al-muslimina wa imamihim قال الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأدلة على تحريم الخروج على ولي الأمر وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها وشاهدوا من يزيد ابن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية وكفوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج انتهى كلامه رحمه الله. Donc regardez ici comment le cheikh il termine. Il dit, et avec ses preuves précédentes du Coran et de la Sunna, ainsi que les narrations que nous avons mentionnées, on peut savoir avec certitude l'obligation d'adhérer à la Jama'a des musulmans ainsi que leurs dirigeants. Et il cite une parole du cheikh Abdullah ibn Abdul Latif. Abdullah ibn Abdul Latif, rahimahullah. C'est qui Abdullah ibn Abdul Latif? Yani, subhanallah. C'est, en fait, Abdul Latif, c'est qui? C'est le fils, je pense, de Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc, ça veut dire que Abdullah ibn Abdul Latif, donc c'est Abdullah, le fils de Abdul Latif, le fils de Abdurrahman, le fils de Hassan, le fils de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc, c'est un des arrière-petits-fils du Cheikh Muhammad Abdul Wahhab, mais qui faisait partie des ulama, qui faisait partie des imams et des ulama de sa génération. Et il a écrit dans Ad-Durar al-Saniya, on le retrouve dans le volume 9 à la page 93, il dit, après avoir mentionné les preuves qui indiquent l'interdiction dans la sunna de se rebeller contre le dirigeant, il dit, en commentant sur ces hadiths-là, il dit, tous ces hadiths et les hadiths de ce genre ont été appliqués par les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont su que ces preuves et ces hadiths-là sont des fondements et des bases sur lesquels l'islam ne peut se tenir excepté si on les applique. L'islam ne pourra être établi excepté si on applique ces fondements-là. Et ils ont été témoins de certains dirigeants de leur époque qui étaient des injustes et qui faisaient des grands péchés et des choses contraires à l'islam. Comme par exemple, il mentionne, il dit, ils ont été témoins de Yazid ibn Muawiyah, ils ont été témoins de Al-Hajjaj ibn Yusuf, et de d'autres qui sont venus après eux, excepté le khalifa, qui était juste et droit, Omar ibn Abdul Aziz, lui qui était parmi les justes, et qui aimait les ulama et qui était proche d'eux. Mais sinon, avant lui et après lui, il y a eu des dirigeants qui ont été injustes et qui ont fait des choses apparentes, qui n'étaient pas cachées. Mais malgré tout, ils se sont abstenus de se rebeller contre eux, ou de les attaquer, ou de les critiquer, ou de les insulter. Et ils considéraient que quiconque se rebellait ou sortait contre eux, ou sortait contre l'appel des musulmans, eh bien, il était sur la voie, il sortait de la da'wa des musulmans. S'il appelait, il voyait ou il considérait qu'il fallait se révolter contre eux, il était sorti de la voie des musulmans, de la da'wa des musulmans, vers la voie des khawarij. Il considérait que si quelqu'un quittait la voie de cette position et considérait qu'il fallait se révolter contre eux, eh bien, il considérait qu'il avait quitté la voie des musulmans vers la voie des Khawarij. Donc, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui s'il verrait ces gens-là aujourd'hui qui sortent dans les rues pour faire des manifestations et qui critiquent leurs dirigeants, soi-disant. Dernièrement, il y a eu encore d'autres manifestations en Égypte. Ils sont sortis dans les rues pour manifester contre Sisi. Mais c'était des petits groupes là qui sont sortis comme ça. Puis non, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Je tombais sur ça l'autre jour. Mais Yanni, c'est pas grave la raison ou le prétexte qu'ils utilisent. La règle, on la connaît et le principe, on le connaît. Et donc, la façon de régler ou de corriger les problèmes de corruption ou les problèmes de désordre, c'est pas par le fait de faire des manifestations et de se rebeller ou de faire ce genre de trucs. Oui, c'est ça. Il manque pas une occasion pour, hein, ils vont pas manquer une occasion pour faire augmenter, comme tu dis, mettre de l'huile sur le feu, puis faire des provocations. Mais le problème, et qu'est-ce qui est plus grave? C'est plus grave que ces gens-là encore. C'est ceux qui sont ailleurs, dans d'autres pays, parmi les prêcheurs, puis qui félicitent ceux qui font ce genre de choses-là et qui les encouragent ou qui disent, ah, ils ont bien fait, c'est ça qu'il faut faire, et ainsi de suite. Et on a entendu de la. J'ai lu, il y a le frère, Mashallah, comment il s'appelle? Moussa Richardson, Mashallah, sur sa chaîne, sur son compte Twitter, il a posté les commentaires de certains d'entre ces prêcheurs d'égarement aux États-Unis et ailleurs qui encouragent ce genre de choses. Subhanallah. Et que des gens qui se prétendent être sur la sunna fréquentent ces individus-là et marchent avec eux. Donc ça, là, si quelqu'un il est d'accord avec cette méthodologie des Ikhwan et ceux qui font le désordre et qui suivent la voie des Khawarij et qu'il est d'accord avec eux dans ces choses-là, alors, et qu'il les fréquente, alors il est un des leurs. Ah bah, alhamdoulilah. Parce que les Rouen, là, c'est la calamité, c'est une calamité. Exactement, ils les connaissent. Et comme tu dis, hein, comme ils ont fait à l'époque du roi Farouk, hein, ils voulaient le renverser. Hein, et puis, quand Abd al-Nasser, il a profité des Rouen, il les a utilisés pour justement arriver à ses objectifs. Hein, puis quand il a réussi à faire qu'est-ce qu'il voulait, il les a tous bloqués, il les a mis en prison. Eh ben, c'est parce qu'ils sont stupides. Hein? Non. Oui, mais c'est parce qu'ils sont bêtes et stupides. Et leur méthodologie, elle contredit la sunna. Alors, le résultat, c'est garanti que ça va amener vers là, hein? Vers l'échec. Parce que celui qui suit une méthodologie qui est fausse, on ne peut pas espérer de lui un bon résultat. Et même s'il obtient quoi que ce soit de bien, c'est uniquement temporaire parce que ça ne peut pas continuer sur l'égarement comme ça. Le bateau, c'est fait pour voguer sur l'eau, c'est pas fait pour voguer sur la terre. Aujourd'hui, là, si tu parles, si quelqu'un, depuis que tu parles de ce sujet-là à quelqu'un et que tu lui dis les manifestations, c'est interdit dans l'islam, et que tu lui parles qu'il faut écouter et obéir aux dirigeants, automatiquement tu vois le visage de ces gens-là qui se démasquent. Hein? Même s'ils cachaient leur tendance là, ils ne peuvent plus le cacher par la suite parce qu'ils ne sont pas capables de se garder leur calme. Quand tu leur dis ça, là, ils explosent. Et c'est là que tu vois la réalité de leur voix qu'ils. Hein? Non. Ajaban, jusqu'à la mort. Et la mamat. Et la akhir dunya. Dis-lui, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Donc, jusqu'à la fin des temps, il y aura la jama'a. Il y aura cette jama'a. Non, mais c'est ça. C'est les gens à notre époque, les gens sont devenus des abrutis. Parce qu'ils ne comprennent pas que les ulama de l'islam, c'est eux les vrais ulama. Et ils n'ont pas besoin d'apprendre une autre science pour être des ulama. Il y a un gars qui était ici une fois, je me rappelle, on avait commencé à faire l'usul al-thalatha. Et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il explique que l'ilm, معرفة الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. En tout cas, quand il a mentionné la science, là, lui, il a commencé, parce qu'il est en train, il était en train de faire une maîtrise en mathématiques, alors il commençait à dire, oui, mais la vraie science, c'est les mathématiques, et puis il faut commencer à étudier les mathématiques pour trouver les preuves pour établir l'islam. Si on étudie les mathématiques, on va être capable de montrer comment l'islam est la vérité. J'ai dit, mais de quoi il parle? J'ai dit, de quoi il parle? J'essaie de lui expliquer, mais il est complètement comme bloqué. J'ai dit, Ajaban, c'est quoi ça? J'ai dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné les mathématiques? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a étudié la physique et la chimie et la philosophie, puis tous ces trucs-là, et c'est ça qu'il a enseigné aux musulmans? Non. Il a enseigné La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il a enseigné aux gens le Coran, et ça, dans ça, il y a les bases de la guidance. Tout ce que les hommes ont besoin pour être bien sur cette terre, il existe là-dedans. Alors, tu vas aller chercher où ailleurs pour chercher quoi que ce soit, hein? Donc, c'est pour ça que moi, je considère que franchement, quand quelqu'un n'a pas été éduqué sur la sunna et n'a pas grandi sur la sunna, c'est très difficile. Mais c'est comme les Mu'tazila. C'est exactement comme ça que les Mu'tazila et les Jahmiya, ils pensent. Une fois, j'étais dans une mosquée, et je vais terminer avec ça. J'étais dans une mosquée et il y a un imam, j'en ai parlé de cet exemple-là. L'imam, en tout cas, il disait n'importe quoi dans sa khutba, des absurdités. Non seulement il marchait en avant du premier rang, là, au lieu de rester sur le mimbar pour faire sa khutba. Non, il marchait comme ça de long en large. Wa alaykoum salam. Vous imaginez un imam le vendredi, au lieu de rester sur le mimbar, il descend puis il commence à marcher en avant comme s'il parle devant une classe, il fait une présentation. Hein? Puis après, il parle, il dit, si vous parlez avec des non-musulmans, à propos de l'islam, il ne faut pas leur parler de la croyance. Il dit parce qu'eux, ils ne comprennent pas la croyance. Donc, parlez jamais de la croyance avec eux. Et après, il dit, s'ils vous demandent pour la salat, dites-leur que la salat, c'est comme, comme par exemple, quand nous, les musulmans, on fait la salat, on n'a pas besoin d'aller au gym. Parce que notre prière, notre salat, c'est comme un exercice physique. Ça fait comme du sport. Hein? Et il a dit, et en plus, quand on se prosterne, hein, ça stimule les sept points d'ouverture du chakra dans le bouddhisme. J'ai dit, mais de quoi il parle? Après, il dit, et puis s'il vous demande à propos de la zakat, dites-lui que, yani, ça c'est juste pour, c'est comme les taxes, hein, les impôts, c'est la même chose. Il dit, s'il vous demande à propos du jeûne du ramadan, vous dites, ça c'est bon pour la santé, ça c'est un jeûne là pour perdre du poids ou je ne sais pas quoi. Et il dit, et s'il vous demande à propos, je ne sais pas, il donne plein d'exemples, puis après il commence à citer des auteurs français de l'époque, là, à l'époque du 18e siècle, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des éloges ou des belles paroles, Victor Hugo, qu'est-ce qu'il a écrit, je ne sais pas qui d'autre encore. Puis là, après ça, il disait toutes sortes de bêtises, là. Allah al-Musta'an. Après, quand il a fini la khutba, je suis allé le voir, cet imam-là, puis je lui ai dit, je me rappelle, c'était un Algérien en plus. C'était un Algérien qui était à l'époque du fils, il supportait le fils à fond, là. Il était vraiment un fanatique, là, du fils. Et Allah al-Musta'an. Et puis, qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Il a dit, non, mais tu vois, il faut faire changement des fois et tout. Puis là, il y a d'autres gens qui étaient là et qui disaient, non, c'est bien. On n'a pas besoin d'entendre le Coran et les hadiths. On connaît ça déjà. Nous, on veut entendre d'autres choses. J'ai dit, Ajaban. C'est-à-dire, il dit, on a déjà entendu le Coran et les hadiths. On n'a plus besoin de les entendre. On veut entendre d'autres choses maintenant. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, amener un prof de philosophie, de physique, de chimie, il va vous donner un cours de mathématiques pendant la khutbah au lieu de parler de l'islam. Hein? Donc ces gens-là, ils veulent pas entendre parler de l'islam dans la mosquée et même sur le minbar. Alors ils veulent quoi ces gens-là? Quel islam ils veulent? Donc c'est ça la voix de ces hérétiques-là et de ces gens d'égarement-là. C'est à ça qu'ils appellent. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.